J'partage mon drone. On l'a c'est grave, on vend des grammes et j'vois des camines dans la cave. On l'a c'est grave, on est.